Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouveau numéro du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui deux humoristes du Brest Comedy Club, Jérôme Le Tessier et Tronc Voba. Salut les gars. Ouais, salut, c'est Raoul. Ouais. Voilà. Donc on va commencer par toi Jérôme, voilà, donc tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter. Alors moi, une belle galère d'humoriste, je joue dans une salle, je fais mon sketch sur le bio, voilà, où je balance un peu sur le bio. Et juste avant moi, il y avait un mec qui a raconté des blagues sur des bébés mis dans un congélateur. Et moi, je parle de carottes et de choux. Et il y a une dame totalement au taquet sur le bio qui me fait « Ouais, c'est trop nul ce que vous dites !» Et du coup, je me suis senti mal à l'aise parce qu'en fait, je me dis « Moi, je parle d'une carotte. Juste avant, on parle d'un bébé dans un congélateur. Mais là, ça pose pas de problème. » Fin de soirée, la nana, elle vient quand même vers moi en me disant « Ouais, c'est trop nul. Il faut pas parler du bio comme ça. Vous vous rendez pas compte. » Par contre, les bébés voilà. congélés. Les bébés congelés, on peut y aller, il n'y a pas de problème, toujours. C'est la base. Voilà. C'est et la c'est base. Une petite grand-mère de 70 Big ans. Big up à Véronique Courgeot d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Et c'est une petite grand-mère de 70 ans qui a enlevé la main de mon épaule, de la petite dame, en lui disant « Il a raison, monsieur, le bio, c'est à dose homéopathique, s'il vous plaît. » Et moi, j'ai trouvé ça vachement bien, tu vois. C'est vrai que c'est beau comme formulation. Mais tu te sens hyper mal à l'aise. Moi, je ne savais pas quoi dire. Ah oui, surtout qu'il n'y a rien de choquant dans ce que tu dis. Tu parles de choux, tu parles de carottes et la nana cartonne, quoi. Voilà. Mais bon, bah voilà, donc belle galère d'humoriste. Ah bah, j'imagine. Ouais. On se met à ta place. Ok, bah écoute, merci beaucoup Jérôme. Et donc on a également Tronc qui va nous raconter. Salut. Salut Tronc, une ou plusieurs galères à nous raconter? Bah écoute, moi c'était, je me rappelle, c'était dans mes débuts en fait, tu vois, où je jouais mes sketchs et tout ça dans une salle. Moi je pensais que ça s'était très très bien passé, c'était génial. Souvent les gens, tu vois, à la fin, ils me disent oh là là, c'est courageux ce que vous faites, moi je le ferai pas et tout. Et quand je leur demandais l'avis en fait sur mes sketchs, ils me disaient oh là là, c'est courageux, je le ferai pas. et je me suis dit c'est un compliment. Mais à la base ça sentait le compliment. Voilà, à la base ça sentait le compliment. Tu sais, les gens, c'est vrai qu'ils, c'est souvent ils disent ouais, moi je monterais pas sur scène pour le faire, tu vois. Et tout d'un coup il te répète le même truc, tu te dis bon, tant pis, hein, ça, je vais le prendre comme ça, madame, merci beaucoup. Tu vois. Ok. Et l'autre galère aussi, bah, c'était dans la toute première fois où je suis monté sur Paris en fait pour jouer à un sketch, tu vois. Je commençais mon sketch tranquille, tu vois, tout se passait bien. Enfin, je pensais que ça se passait bien. Mais là, il y a une nana qui se lève dans le public, elle me dit arrête ce que tu fais, j'aime pas du tout, c'est nul. Ah bah oui, c'est elle qui décide, évidemment. Ah oui, voilà, oui, carrément, tu vois, je me suis dit... C'était bien la sûr. Salle à son père, évidemment. Ah bah, bien évidemment, tu vois, du sérieux? Coup... Ah, sérieusement. Et je me suis dit, c'est pas possible, c'est un sketch, c'est une caméra cachée, mais pas du tout. Elle était sérieuse, quoi. Elle pour était elle, sérieuse. Pour elle, elle se levait et elle disait, je veux que ça s'arrête, tu ouais. devais t'arrêter. Genre, c'était la patronne, quoi. Oh là là. Genre, c'était mais la patronne. Mais est-ce que c'était quelqu'un de la salle? Ouais, mais c'était juste une spectatrice qui a payé non, sa place. Non, je veux dire, voilà, c'était pas quelqu'un de l'organisation. Ah non, pas du tout. C'était une spectatrice lambda. Lambda. Qui a payé sa place. Elle a payé sa place lambdadement, je sais pas si ça se dit. Ouais, d'accord. Donc elle a payé sa place lambdadement. Voilà, et la meuf, elle pensait faire la programmation de la salle. Voilà, quoi. Exactement. J'ai halluciné. Alors, juste, si jamais elle nous écoute, merci de ne jamais venir dans ma salle, oui. S'il vous plaît. Ne reviens jamais dans nos salles, même. Voilà, ne reviens jamais dans une salle, tout dans court. Dans une salle, d'accord tout court. Musique, à la limite. N'importe quoi. Et encore, tu vas voir. Elle va aller voir n'importe qui en concert, elle va dire hey, arrête ça, j'aime pas ça, tout de suite, tu t'arrêtes. Mais carrément, quoi. Bon, en ça, même temps, fou. Faudrait l'envoyer chez Jules. Oh ah, ben voilà, Jules. C'est une bonne idée, voilà, ça. Jules, ça alors, si jamais tu nous écoutes, voilà, tu vas au concert de Jules et tu fais exactement ce que tu as fait pour toi. Pareil. Voilà, exactement. Pareil. Merci beaucoup. Tout en ajoutant voilà. du wesh alors. Bien sûr, on plaisante, hein, on plaisante avec Jules. Hein, tu peux aller voir aussi Maître Gims. Voilà. Alors, là, c'est une belle galère, j'avoue. C'était une très, j'avoue très que, belle galère. Mais que quelqu'un te sorte ça à la gueule. Ah ouais. Mais ça, c'était ouf. Je me suis dit, ah ouais, Paris. Ils se permettent ce qu'ils veulent, quoi. Genre, là, ouais, mais là, c'est quand même... Là, t'es tombé sur le... Ah, sur le comment dire le vraiment... le stéréotype. Le stéréotype ah ouais, de la, du spectateur parisien blasé. C'est ça. C'est exactement oh, là, ça. Là, là, là. Mais j'ai halluciné. Et qu'est-ce que tu lui as dit, en fait? Bah, moi, pas grand-chose, mais les autres humoristes ont dit « Tais-toi, laisse-le finir !» Ah elle bah oui. Déglinguer. Heureusement qu'ils ont pris ta défense. Il est courageux. Il est courageux. Moi, je ferai pas ce qu'il fait. Moi, je ferai pas ce qu'il fait. Il est courageux. Excellent. Ah ouais, c'était ouf, quoi. Eh ben, dis donc. Et tu avais donc une autre anecdote à nous raconter? Qu'est-ce que j'avais d'autre? Celle où on était ensemble. Celle où on était avec Jérôme, tu vois, dans un Brest Comedy Club. Voilà. Ouais. Et donc, la soirée, ça se passe bien. C'est ça, on fait un sketch. Il y a un de nos collègues qui fait un sketch sur les handicapés. Voilà, oui. Jusque-là, tout va bien. C'est le dernier sketch de la soirée. On finit fort sur les handicapés. Voilà, on s'est dit, allez, hop, c'est bon. Voilà. Et au moment donné où Yannick il fait des vannes sur les handicapés, où il va dire ils peuvent mourir, ils peuvent mourir. Ça, et là, exactement. T'as un mec dans la salle. Il tombe par terre, mais il s'est évanoui. D'accord. Voilà, pompier, fin de soirée, crac, pas de rappel, voilà. Rien. Nous, au départ, c'est parce qu'on croyait que tu vois qu'Yannick, il avait trop de charisme. Il dit quelqu'un va mourir, il a un complice dans la salle. Voilà, j'allais dire au début, très souvent dans les salles, quand il se passe un truc imprévu comme ça, les gens sont persuadés que c'est prévu. Voilà, ça fait partie du spectacle. Voilà, là, non, pas du tout. Voilà, pompier, spectacle terminé. Il allait bien à la fin, c'est l'essentiel. Ouais, c'est l'essentiel. Yannick ou le spectateur Yannick, moins le spectateur. Le spectateur un peu mais plus. Mais c'est vrai que ça a plombé la salle, quoi, la fin de la salle. C'est terminé. Ah, c'était terminé. Tout le monde est rentré. Oh, voilà, merci. On préparait déjà l'enterrement. On avait payé cher. Ouais, c'est ça. On avait commencé à payer cher. Ah, punaise. Ben dis donc, c'est le genre de choses qui peut se passer des fois avec des spectateurs comme ça qui malheureusement peuvent faire une crise. Des fois, tu peux avoir une crise dans la salle, tu peux avoir. Il y a des trucs, des fois, c'est plus marrant, bien sûr, évidemment, parce que là, c'est plus triste, bien sûr. Mais dans un des premiers épisodes du podcast, il y avait Constance qui me racontait qu'elle avait une spectatrice dans la salle, elle jouait à la Comédie de Paris. D'accord. Et elle a une spectatrice au deuxième, ou je ne sais plus quel rang, qui a fait, donc qui avait une gastro, apparemment. Et qui a vomi dans son sac à main. Elle rigolait tellement fort qu'elle a vomi dans son sac à main. Et Constance me dit, moi je fais vomir les gens de rire. Tu veux faire quoi, toi? Constance, elle est trop haute. On salue Constance d'ailleurs, si jamais elle nous écoute. Salut Constance. Salut Constance. Voilà. Et on salue également Yannick. Voilà. Yannick. Je tiens à remercier Yannick Lesseau, le fondateur du Brest Comedy Club, qui m'a envoyé ses deux zigotos, pour la première partie ce soir. On a joué ce soir. On était à la Petite Vitesse à Vannes, donc dans le Morbihan, et c'était une date magnifique. Vraiment, vous avez été super sur scène et le public a été magnifique. C'est ma première fois dans le Morbihan. Et franchement, c'était génialissime. Je vous remercie encore, les gars. Et puis, où est-ce qu'on peut vous retrouver, du coup? Et bien là, les prochaines dates du Brest Comedy Club, le 17 septembre au Piano Barge, où c'est un petit peu notre laboratoire pour tester nos vannes. Le Piano Barge à Vannes. À Vannes, ouais, c'est ça. Ouais. Après, le 27 septembre, au Carida à Elvin, où là, c'est grosse salle qui fait 200 places, donc il faut la remplir. Bien sûr. Et après, on retrouve toutes les infos sur la page Facebook. Ouais, donc c'est Brest Comedy Club. Brest Comedy Club. Et puis, c'est parti. Et puis voilà, quoi, à peu près. Quoi. Et sur nos pages, Jérôme Le Tessier, Tronc Vauba le beau gosse. Est-ce qu'il faut taper tout ça en attaché Comme tu veux. Ah, okay. il ne faut pas taper Jérôme Le Tessier, Tronc Vauba parce que ça marche pas. Il faut séparer quand même. Bon, pas de problème, tu me diras en même temps, Tronc Vauba le beau gosse, ça marche pas non plus. Et surtout, c'est vrai qu'on remercie pour ce soir, vraiment. Sofiane. La Petite Vitesse, Sofiane. Avec grand plaisir. On remercie La Petite Vitesse aussi, parce que c'est vrai que l'accueil était génial. Merci Romain et merci à toute l'équipe. Et puis, on se retrouve très bientôt. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Donc, Sofiane et Taï, E2TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Et sur Le Bon Coin. Sur Le Bon Coin également, Je vends. Et sur Tinder. Et sur Tinder. Oh, les enflures. Vent, canapé, velours. Donc on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.